Dans les deux situations, nous approchons d'un passage à niveau. Dans la situation 1, une ligne discontinue autorise à dépasser les véhicules lents, donc un cycliste, en laissant 1,50 m d'intervalle latéral. Mais les feux clignotent. Il est inutile et impensable de se lancer dans un dépassement maintenant. Les barrières vont s'abaisser et un train va arriver. Dans la situation 2, la ligne ne doit pas être franchie. Le dépassement du cycliste serait possible si je pouvais laisser un intervalle latéral minimum d'1,50 m sans chevaucher la ligne continue. Réponse B et D.